Francisco. Bonjour à tout le monde, si vous êtes là pour cette première présentation, c'est ma première comme ça en journée doctorale. Donc, en première année de thèse, thèse débutée en novembre 2016, dirigée par Gilles Novalna et Stéphane Sadou, et cofinancée par le ministère de la Culture et de la Communication et le LABEX AECC. Donc c'est un travail sur l'héritage qu'a pu être le modèle des Garden City de la Cité Jardin dans le monde latino-américain, et plus particulièrement au Mexique. La question de la possible pertinence contemporaine du modèle comme inspiration à une transformation vertueuse des villes américaines. Dans un premier temps, pour comprendre ce qu'il fait, il cherchera à comprendre ce qui fait l'essence du modèle de la Garden City, la façon dont il a été composé et diffusé. Dans un deuxième temps, comprendre la ville mexicaine préhispanique et coloniale afin de pouvoir analyser des projets qui se réclament de son héritage en Amérique latine et au Mexique. Ensuite, il élaborera un nouveau modèle théorique qui répondra aux enjeux sociaux, économiques et culturels que rencontrent aujourd'hui les anciennes villes coloniales. Dans une dernière partie, ce sera la mise à l'épreuve du nouveau modèle théorique par le projet à la ville de Guadalajara, Mexique. C'est une thèse qui soutient la conviction que le modèle peut servir à comprendre comme à concevoir, et que la compréhension des expérimentations du passé peut nourrir une pratique éclairée et opérationnelle pour l'avenir, dans des contextes culturellement différents. En parlant de ces contextes, les contextes mexicains, c'est tout d'abord un besoin de logement décent. Les villes latino-américaines ont connu au cours des précédentes décennies un important exode rural, qui ne cesse encore aujourd'hui d'abreuver les grandes villes. Au Mexique, où la grande part de leur population vit dans des habitations précaires issues d'une urbanisation spontanée, le besoin en 2015, additionné au retard accumulé, atteignait une nécessité de 10 millions de logements décents. Autre enjeu, re-questionner la densité et freiner l'étalement urbain. C'est l'un des enjeux des nombreuses villes latino-américaines. C'est celui qui demeure le manque d'espace libre dans un contexte d'étalement urbain très important. Grand nombre de maisons ne dépassent pas un étage et s'étalent à la perte de vue dans des trames orthogonales, amenant des parcellaires et des bâtis quasi similaires, mais des densités très hétérogènes selon la richesse des quartiers. À titre d'exemple, la densité urbaine de la ville de Guadalajara en 2015 était de 97 habitants à l'hectare. En 2014, à Paris, elle est de 202 habitants à l'hectare. Dans le centre de Londres, 85, et un des quartiers de Guadalajara, qui est un des quartiers de pauvreza, de pauvreté, on compte jusqu'à 206 habitants à l'hectare. Des chiffres pour lesquels on doit forcément considérer la hauteur du bâti. C'est-à-dire que les immeubles haussmanniens qui ont un certain nombre d'étages, ceux de Londres également, en ont également, mais à Guadalajara, dans les villes latino-américaines, ce sont des maisons de un étage, voire d'un rez-de-chaussée. Donc ce qui fait des densités importantes. Face à ces hectares saturés de maisons individuelles, le rapport bâti-non bâti et la hauteur des bâtiments est primordial à re-questionner. Afin de laisser la place à des espaces libres, de densifier où il est utile de le faire, et à l'inverse, de soulager les densités élevées, là où elles n'offrent pas des conditions d'habiter décentes. Autre enjeu, celui de réintégrer le végétal et l'agricole dans la ville. Pour illustrer cet enjeu, Guadalajara ne possède que 2,5 m² d'espace vert par habitant. Mexico City, 5,3. Paris, 14,5, comptant les voies de Boulogne et Vincennes. Londres, 45. Et la recommandation de l'OMS est de 10 m² par habitant. Il y a un fort déni actuel des autorités et des populations dans la reconnaissance des bienfaits du végétal. Et cela dans un climat qui impose une recherche d'ombre et de fraîcheur. Plus grave encore, la minéralisation des sols, la destruction des dernières porosités et le manque d'espaces verts engendrent le maintien de fortes précipitations dans les rues et provoquent des torrents meurtriers. Au-delà de considérer le besoin du végétal comme une des réponses à l'enjeu climatique, il est important d'introduire le débat d'une réintégration du besoin agricole dans la conception de nos villes. De surcroît, au Mexique, où l'alimentaire est l'une des exportations principales. Quatrième grand enjeu, retrouver un équilibre entre la liberté individuelle d'entreprendre et les avantages qu'offrent les fonctionnements communautaires. Dans un contexte mondial où les populations manifestent des réserves croissantes vis-à-vis des élites politiques, la question de l'amélioration des lieux de vie se pose de nouveau, et principalement celle du caractère des transformations à effectuer, sans avoir à espérer l'intervention des autorités compétentes. Les enjeux auxquels les villes mexicaines et latino-américaines sont confrontées ont été posés à d'autres moments et contextes de l'histoire, amenant leur lot de réponses et de solutions, des projets de société spatialisés dans différentes époques et contextes, et c'est le cas de la Garden City. Théorisée à la fin du 19e siècle par Ebenezer Howard, c'est une réponse aux conditions de vie des classes populaires de l'Angleterre victorienne. Une œuvre dont l'influence sur les théories de l'urbanisme était immense. Elle reposait sur un retour du peuple à la terre, un système de cités satellites interconnectées par un réseau de transport en commun, une hybridation ville-campagne qui conserve les qualités de chaque entité et qui s'affranchit des inconvénients. Une cité où le foncier est municipalisé pour récupérer la plus-value et la réinvestir au bénéfice d'une communauté. Une cité cerclée par une campagne productrice qui limite la croissance urbaine à 32 000 habitants. Howard était sténographe, il n'était pas architecte. Et le premier passage de la théorie à la réalisation sont orchestrés par Irwin Packer et Parker à Letchworth. Rappelons que ce sont des constats similaires aux enjeux précédemment évoqués qui ont poussé Howard à agir, le faisant proposer une solution qui avait pour objectif de s'exporter. Il dira, dans son ouvrage, « L'objectif que je me hasarde maintenant à proposer au peuple de notre pays et à ceux de tous les pays, cet objectif, noble et adéquat, n'est rien de moins que celui-ci, s'atteler sur le champ de la tâche d'édifier les groupes de Belleville, chacune entourée d'une zone de jardin destinée à fournir des foyers à ceux qui logent actuellement dans les villes bondées, infestées de taudis. » La force du modèle d'eau créé par Howard demeure certainement sa capacité à s'être diffusée, qui a entraîné de multiples interprétations de ceux qui, dans différentes sociétés et époques, et comme nous aujourd'hui, ont été désireux de répondre à ces constats. Dans Paradise Plan, The Garden Suburb and the Modern City, édité en 2013, Stern et les autres écrivent que le modèle des cités-jardins n'a eu de cesse d'être transposé, réinterprété et de susciter l'inspiration à travers le monde. À travers le monde et notamment en Amérique latine, où le modèle a déjà été diffusé à différents moments du siècle par des personnes d'horizons variés. À l'image, par exemple, des quartiers de Lomas del Palais, del Paloma, fondé en 1933 à Buenos Aires, le Jardín América de Sao Paulo, réalisé en 1911 par Barry Parker lui-même, le Residencial San Felipe, je me suis trompé, excusez-moi, le Residencial San Felipe à Lima, fondé en 1966 par le président architecte Fernando Terry. Là, vous avez une image du Jardín América de Sao Paulo, fondé par Barry Parker. Les trois ayant déjà été recensés par la Garden City Exhibition comme héritage du modèle. Ou encore d'autres moins connus, tels que le quartier El Velado à Cuba, à La Havane, construit en 1850, mais transformé par la suite selon les principes de la Garden City et étiqueté comme la première Garden City latino-américaine. Ou encore un grand nombre de colonias ou quartiers planifiés durant le Porfiriato mexicain de 1876 à 1911, tels que la Colonia América de Guadalajara, ou ensuite au cours du XXe siècle, tels que la Colonia Balbuenas à Mexico City. Plus d'un siècle après, les questions posées par Howard sont toujours d'actualité. Il est donc important de se questionner sur les qualités qui font du modèle une source d'inspiration pertinente pour la construction de la ville et des territoires de demain. Parmi ces qualités, l'une a traversé le temps et demeure encore aujourd'hui une vérité. La Garden City est une idée qui fédère, investisseurs et habitants, politiques et praticiens. Dans la préface de la réédition du livre en 1998, Baptiste Ornikian écrit à ce titre « Les membres de l'association, des industriels, des mutualistes, des coopérateurs, des architectes, des artistes, des médecins, des experts financiers, des hommes de loi, des commerçants, des hommes de religion, des hommes politiques modérés, socialistes, individualistes, radicaux et conservateurs, pensaient tous sérieusement que la cité-jardin allait se réaliser. » Un dépassement des clivages répété plus d'un siècle plus tard en 2014, lorsque le gouvernement de coalition britannique David Cameron et Nick Clegg annoncent la construction de deux nouvelles Garden City, Bicester et Elmstreet, en les associant à un appel aux âmes visionnaires pour répondre à la crise du logement à travers des propositions radicales et ambitieuses. De ce premier appel, s'en suivra la construction de 7 Garden City de 100 000 logements au total. Quelques mois après l'annonce, les urbanistes anglais Nicholas Falk et David Redding de l'agence Urbel remportent le prestigieux World Street Economic Prize organisé par l'influence X5 Policy Exchange. Comment concevoir une nouvelle Garden City visionnaire, économiquement viable et attractive? Tel était l'intitulé du concours, qui avait pour but de questionner la réinterprétation du modèle pour répondre aux enjeux de la vie contemporaine. Les lauréats ont démontré la pertinence de la vision d'Howard, en illustrant comment 40 villes britanniques pouvaient doubler leur population. Et cela en associant le renouvellement et l'extension de zones urbaines existantes et la construction de cités satellites interconnectées. Tel l'ouvrage d'Howard, ils ont créé un modèle d'intelligibilité, l'utopie de la ville de Bouchester. Ils l'ont expérimenté par le projet au cas de la ville d'Oxford, à l'image du plan des lettres chances réalisé par Unwin. Sollicité depuis par plusieurs grandes villes, Oxford, Sheffield, York, pour élaborer des scénarios prospectifs, démontrant ainsi le caractère opérationnel de leur travail et la pertinence du modèle aujourd'hui. Plus récemment encore, en janvier 2017, le gouvernement britannique a annoncé son soutien pour la construction de 100 000 nouveaux logements dans l'héritage de la Garden City. Ainsi, si le projet de société de la Garden City d'Howard a déjà inspiré des spatialisations en Amérique latine, on peut imaginer que son regain d'intérêt actuel peut de nouveau inspirer dans une transformation de la vie latino-américaine, et notamment mexicaine. En considérant pour cela que la Garden City est née d'une approche bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut, en posant dès le début la question de l'implication des communautés dans sa construction, dans sa gestion du foncier et dans sa gouvernance. Howard ne croyait pas en l'État, mais croyait plutôt en la bonté de l'homme pour entreprendre. Et à l'image de l'urbanisation spontanée, grand nombre de Mexicains ne comptent pas sur les autorités pour répondre aux enjeux de leur quotidien, justifiant l'intérêt de mobiliser cette référence bottom-up. Posant ainsi la problématique, le modèle de Garden City comme l'une des références possibles pour la transformation des villes latino-américaines, c'est une question, avec l'expérimentation sur la ville de Guadalajara au Mexique. Pour répondre à cette problématique, il y a quelques hypothèses. Premièrement, on fait l'hypothèse d'une possibilité de transposer un modèle dans des contextes et des époques différentes. En considérant que c'est un processus qui est à transposer et non pas une forme, un processus de fabrication d'un modèle. On va parler d'une combinaison de projets uniques en son genre. Il disait, et il importe de noter que ce projet, si parfaitement exposé, n'est pas né par une nuit d'insomnie, dans le cerveau enfiévré d'un visionnaire. C'est le fruit de la réflexion studieuse et du travail de beaucoup de personnes, de beaucoup d'esprits sérieux, chacun apportant quelques éléments de prix, jusqu'à ce que, le temps venu et l'occasion s'en présentant, il ne fallait plus que tant soit peu de savoir-faire pour souder ces éléments et en faire une unité vivante. Ce à quoi il rajoute, pour atteindre ces buts si désirables, j'ai arraché une page des livres de chaque type de réformateur, et je les ai reliés par le fil de la praticabilité. Mais c'est également une combinaison de projets à travers les époques. Ce plan-ci, combine les traits principaux des différents projets qui ont été préconisés à différentes époques, et qui les combine de façon à retenir ce que chacun d'eux a de meilleur, sans les changer, sans les dangers et les inconvénients que parfois leurs auteurs eux-mêmes pouvaient clairement y déceler. Il est à noter que cette démarche se poursuivra après l'apparition de l'ouvrage d'Howard. Si Halloween et Parker font partie des pionniers à faire perdurer son héritage, ils le font également évoluer sur leur conception du modèle, et le diffuseront à leur tour, à leur façon. Démarche reprise par Urbed pour élaborer leur réponse au Wilson Economic Prize. C'est ici l'un des enjeux de cette thèse, tenter de comprendre le processus de fabrication du modèle, mais également en saisir les raisons de sa diffusion, afin de répondre aux enjeux actuels de la vie latino-américaine, qui demeurent communs à ceux qui poussèrent Howard à agir. La seconde hypothèse est celle de où et comment croître, question déjà posée par Howard. Howard parlait de ramener le peuple à la terre, pour lutter contre la ville industrielle. Il visait à lui proposer dans un cadre de vie plus sain et plus attrayant. Aucune solution ne peut être efficace si elle n'exerce pas sur les gens, ou du moins sur les couches de population considérables, une force d'attraction supérieure à celle que possède actuellement nos cités, de sorte que l'ancienne attraction sera surpassée par l'attraction nouvelle qui doit être créée. Aujourd'hui pourtant, il semble nécessaire de dépasser ce clivage ville-campagne, et de ne plus considérer les nouveaux établissements humains comme l'unique solution à l'accroissement de la ville. Une divergence face à la réflexion d'Howard, dont cette thèse est l'hypothèse, en postulant, comme Fock et Rudlin, que la réflexion sur l'accroissement de la ville doit également porter sur les zones déjà urbanisées, au travers de l'extension et du renouvellement urbain. Cette ville, mal étalée mexicaine, victime d'une expansion sans limite, qui est calquée sur des trames non adaptées aux enjeux socio-climatiques actuels, serait capable de se restructurer tout en interrogeant la gestion du foncier et sa gouvernance. De plus, Howard implantait sa Garden City sur des terrains agricoles déjà occupés, considérant les populations déjà établies comme une force. Il dit « Un trait remarquable du présent projet, c'est le nombre très considérable de personnes déjà établies sur le domaine. Ne seront pas déplacées, et qu'un fort mouvement d'oignon appréciable qui versera dès le début de l'entreprise des taxes locatives, dont le montant contribuera d'une façon importante au paiement de l'intérêt du capital d'achat. Et ces taxes locatives, les occupants les verseront plus volontiers à un propriétaire qui les traitera avec une parfaite équité et qui amènera à la porte des consommateurs pour leurs produits. Mais que peut-on considérer comme une limite acceptable de personnes déjà établies ? Troisième et dernière hypothèse, celle qu'une forme de mimétisme pourrait découler de ces populations déjà établies. Ce travail postule que les interventions urbaines ne doivent pas exclusivement avoir lieu dans les périphéries, mais également dans les lieux plus centraux, afin de devenir des références ou modèles qui restructurent progressivement la ville par une forme de mimétisme. Le professeur Fernando Montenegro, architecte et fondateur de l'Institut d'études urbaines de l'Université nationale de Colombie, à Bogota, dit « Le développement des villes d'origine hispanique est fait par la juxtaposition de manzanas et le prolongement de ces tissus urbains. Le nouvel arrivant adopte par mimétisme cette forme d'îlot en l'adaptant à ses capacités économiques. Il en résulte un lotissement compact, des rues étroites et des façades sans retrait pour optimiser la surface habitable, des constructions sans étage dans un premier temps, des lots occupés aléatoirement, le remplissage des espaces vides sans ordre ni prédétermination. Ce désordre apparent suit une logique innée, propre à l'être humain, aboutissant à une certaine homogénéité où chacun se compare aux autres et essaie d'améliorer son propre chez-soi. De l'îlot, on passe au quartier, et avec lui, le sentiment d'appropriation et d'identité augmente chez les occupants. Dans la continuité de cette consolidation de l'espace, un mode de transport informel s'installe rapidement, puis l'épicerie arrive comme premier repère, suivi par le dépôt de matériel, la boulangerie, le salon de coiffure, et ainsi de suite, créant le centre des activités et définissant la rue principale. Sur cette diapositive, vous pouvez voir comment en bas au sud s'est créé un quartier qui a été planifié et comment les rues au nord, enfin, de l'autre côté de cette voie horizontale, vont venir se mettre de façon, avec ce mimétisme, de recopier ce tracé urbain. Voilà. Et comment les gens vont venir peu à peu s'incruster à l'intérieur et créer leur bâtiment de façon informelle. La compréhension de ce nouveau modèle doit germer dans l'esprit des habitants et des nouveaux arrivants, et cela au service d'une transition mondiale vers la frugalité. Comme méthodologie, premièrement, il faut qu'il y ait une compréhension du modèle et de sa diffusion. Donc, ça sera se positionner épistémologiquement, sur le sens de modèle. Comprendre ce qui fait sa réussite et sa pertinence, encore actuelle. Son essence. Au travers de son essence, les grandes idées de roi, social, le foncier, la typomorphologie, en réponse à des enjeux. Sa formalisation, au service d'une diffusion efficace et de fait réussie. Les idées de ceux qui ont poursuivi l'héritage, Unwin par exemple. Sa diffusion en Amérique latine et au Mexique pour établir un corpus de projets à analyser. Comprendre comment la vie latino-américaine s'est façonnée. Quel héritage préhispanique et colonial. Réaliser une grille d'analyse ensuite pour permettre un vis-à-vis, pour essayer de jauger l'écart entre le modèle original et différentes réalisations de ce corpus qui auraient été établies. C'est une méthode qui a été employée par André Duhamel pour mettre en place le modèle d'origine et certaines réalisations. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un certain nombre de critères, une note, et à partir de ça, il établit la déviation, et le vis-à-vis, donc l'écart entre le modèle d'origine et les idées de Ward, et la réalité. On cherchera ainsi à questionner la limite de déformabilité du modèle, ainsi que sa capacité d'adaptation. C'est-à-dire, comprendre jusqu'où l'on peut, dans un contexte donné, travailler et adapter une référence, sans qu'elle ne perde sa force et ses caractéristiques, c'est-à-dire son essence. À titre d'exemple, le modèle agricole n'a jamais été appliqué à l'Edgeworth. À l'inverse, celui de gestion du foncier, oui. Deuxième partie, ce sera la constitution d'un nouveau modèle d'intelligibilité applicable à la ville latino-américaine, mexicaine. Dans un premier temps, cette seconde phase consiste à déterminer les enjeux de la ville mexicaine et les raisons qui l'ont poussé à choisir des planifications urbaines dans la mouvement des Garden City. Comment se sont créées deux des grandes contributions au modèle théorique, l'œuvre originale de Weber et la réponse d'Urbain, afin de déterminer une méthodologie de fabrication d'un modèle théorique. Élaboré en s'inspirant de la réponse d'Urbain, Eschester Garden City, un nouveau modèle qui répondrait aux différents enjeux de la vie latino-américaine mexicaine pour la mener dans une transformation vertueuse. On notera par ailleurs l'importance de mobiliser la référence pour concevoir. L'héritation de Letchworth a eu lieu au travers d'une longue et minutieuse analyse du village pittoresque anglais, synthétisée par Unwin dans l'étude pratique des grandes villes en 1910. En utilisant le redessin de la typomorphologie, de la composition urbaine qui induisent les usages, C'est une approche qui rappelle celle proposée par Camille aussi via l'observation des espaces publics existants et l'intégration de l'histoire dans les réflexions sur l'urbanisme. À la manière de Cite et Unwin, Utiliser l'outil qui est la référence est important pour demeurer en adéquation avec les cultures locales. Dans le cas du Mexique, la colonisation hispanique a fait apparaître un modèle d'urbanisme, pour en préférer un qu'il maîtrise au travers de tracés réguliers des manzanas et de la propriété foncière. Ici, vous avez le plan dessiné par les premiers colons espagnols en arrivant à Tenochtitlan, capitale actuelle, enfin, ancienne capitale aztèque, remplacée par Mexico de Efe. Et à droite, un plan urbain dessiné tel que les Aztèques vivaient à cette époque. C'est un riche patrimoine préhispanique qui fut mis au déni et oublié par l'assimilation. Un système d'organisation capable de gérer des populations importantes sans délaisser le rôle du végétal. L'expérimentation pour le projet au cas de Guadalajara. Voilà la troisième étape de ce projet. Cette dernière partie est l'évolution d'un modèle d'intelligibilité pour arriver à un modèle prospectif prêt à être expérimenté. Elle correspond à la transposition des diagrammes de Ward au premier master plan de Networks ou à la démarche réalisée par Falk et Rudlin dans le passage du Chester, cas théorique, au cas d'Oxford, pratique. Ces deux exemples théoriques qui tendent vers la pratique, vers la prospection. Ces deux exemples serviront à construire notre approche. Sur la base des éléments dégagés dans la partie précédente, nous testerons par le projet nos hypothèses. Il s'agit du projet comme expérimentation tel que Coss et Findeli le soulignent. Si l'habitabilité du monde est un objet partagé par de nombreuses disciplines, ce qui distingue l'architecture, c'est qu'elle est concernée par le projet d'habitabilité du monde, par la façon dont son projet rejoint ou non le projet des hommes d'habiter le ou leur monde. L'objectif de cette partie sera de tester par le projet la pertinence du projet du modèle d'intelligibilité élaboré précédemment, et d'en déterminer un modèle d'organisation spatiale pour la ville de Guadalajara au Mexique. Il ne s'agira en aucun cas de produire un objet, mais bien un modèle pour comprendre et concevoir les établissements humains de demain, une façon de questionner la faisabilité de ce nouveau modèle et d'échapper à une réflexion trop théorique. Et pour terminer cette présentation, quelques ouvrages qui me paraissent de référence, celui bien sûr d'Howard, donc la version française rééditée en 1998, l'étude pratique des plans de ville de Unwin, qu'on peut aussi lier au livre de Camille Ossip. Et dans le cas du Mexique, la Cuatzicula, qui est toute une étude sur la construction de la ville mexicaine coloniale au Mexique, au travers de l'exemple de Guadalajara. Et un livre de Jacques Soustelle, La vie quotidienne des Aztèques, qui est quand même un ouvrage de référence sur la vie que menait la population préhispanique, au travers notamment des écrits d'époque des premiers colons espagnols. Voilà, merci. Merci Benoît, et on passe la parole tout de suite à Nicolien pour des questions ou des commentaires. Une question, c'est très intéressant. Est-ce que le problème, c'est qui, à quelle institution, quelle personne sera le promoteur qui fabriquera vos cités jardins? Parce que, quand même, mon souvenir lointain de ce problème des cités jardins, c'est que, grosso modo, c'est produit par un industriel qui a du capital, qui peut investir. C'est un projet collectif et un habitant individuel est complètement hors d'état de faire une cité jardin. Par contre, au Mexique, il y a beaucoup de condominiums, c'est-à-dire de dizaines à peu près d'habitants qui habitent dans une cour avec une entrée ou plus. Enfin, moi, c'est ça que j'ai vu. J'ai habité quelques jours dans le sud-ouest de Mexico, dans une partie chic. Je ne me rappelle même plus. Mais voilà. Bon, il y a effectivement, de mon souvenir du Mexique, quelque chose qui va dans ce sens-là, mais bon. Qui en prend matériellement l'initiative, avec quel argent, ça c'est quand même une question. Et la deuxième question, dont il n'est absolument pas question dans ce dont vous parlez, c'est du problème posé par la révolution mexicaine dans la gestion foncière des villes, avec l'existence des eridos qui étaient ruraux, sont devenus urbains. Je ne sais pas où c'en est. Bon, c'est vrai que la Constitution a été modifiée en 1994, si je ne m'abuse, ce qui est à l'origine du soulèvement des anarchistes. Mais, par exemple, à Mexico, il y a des grands quartiers d'Eridos qui ont été vendus dans des conditions diverses, légalisés après, et qui produisent des densités autres, et qui sont faits avec un autre modèle, enfin, il y a un autre modèle politique par derrière ça. Alors, est-ce que Guadalajara est à l'abri de ce genre de problème pour des raisons que j'ignorerais? Enfin, voilà, moi, ça, c'est mes deux grandes questions. Alors, on commence par la première. La force, certainement, du modèle de loi, pas du modèle, de cette démarche, de ce processus, c'est qu'il va créer une réflexion théorique, et cette réflexion théorique, il ne va pas la laisser comme ça à tous ceux qui voudraient l'expérimenter. Non, il va aller de l'avant. Il va fonder, il va créer une association, il va créer une entreprise, donc l'association pour venir fédérer les gens, des gens de toutes parts, de tous bords, qui vont venir investir. Et ceux qui vont occuper l'argent, c'est cette entreprise. Donc il y a vraiment une vision prospective. Des gens de tous les horizons qui sont convaincus dans ce qui est bien dans ce projet, qui vont être convaincus. Du coup, il va y avoir, je crois que quelques mois après, il va être 200 seulement livres. Et puis, des 5 ans après, il va avoir l'argent directement pour commencer la construction de l'Edge Force. Donc, c'est-à-dire qu'il y a actuellement des gens qui commencent à investir là-dedans. Et là, il ne croyait pas en l'État. Il croyait, parce que il y a un moment, il croyait en la bonté de l'homme. C'est-à-dire qu'il voulait être indépendant des autorités. Donc, ça, c'est le premier point. La CAPSA a fait des gens qui vont croire en ça. Il y a également des investisseurs. Parce que quand on investit dans une ville comme ça, on va récupérer après une plus-value sur le retour. Donc, il y a aussi des gens qui vont faire de l'argent et qui vont récupérer un intérêt à 4%. Qui vont créer la vie. Mais l'autre hypothèse, et c'est là que ça apparaît, à mon sens, très intéressant, c'est comment faire germer une transformation dans ces gens qui arrivent dans ces villes. Comment faire comprendre que si les gens reproduisent le quadrat aujourd'hui, un quadrat plus étiré, pourquoi ne pas reproduire un autre modèle ou une autre inspiration? Et on leur doit comprendre. Et la grande question, c'est moi qui m'a parlé, c'est celle des acteurs, comprendre comment amener cette... Moi, je ne crois pas à ce que vous dites, parce que la société britannique a des caractéristiques particulières en termes d'investissement industriel et éventuellement foncier. Bon, déjà en France, il existe des cités jardins, elles ont été faites par des municipalités, il y en a une à Suresnes, il y en a une à Sta ou à Perpignan, je ne sais pas quoi. Il y en a un certain nombre, mais elles ont été faites dans d'autres circonstances qui font que ça s'est détérioré, et la société mexicaine, enfin, pour le peu que j'en connais, c'est encore une autre ambiance du rapport public-privé, quoi. Ça pose la question de qu'est-ce qu'on prend de ce modèle de cité jardin. Ouais. Est-ce qu'on prend une petite morphologie pure, un back garden, un front garden? C'est pas vraiment ce qui, enfin, pour l'instant, ouais, c'est pas mal, qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est par exemple cet équilibre qu'il va y avoir entre œuvrer pour sa communauté et en même temps autoriser la liberté individuelle. Si on va au Mexique aujourd'hui qu'on laisse un espace libre à côté d'une maison par exemple, il va vite être pris pour mettre un stand de tacos ou quelque chose comme ça. Il va y avoir une utilisation pour faire du profit. Donc comment on peut... C'est ce jeu d'équilibre que Ward a essayé de trouver en Angleterre, qui est intéressant à trouver dans l'espace public ou même dans la vie mexicaine. Il y a aussi la gouvernance, l'idée de la gouvernance. Est-ce que ça doit être un alcalde, un maire, qui doit gérer toute une ville? Aujourd'hui, il y a des critiques sur les hommes politiques mexicains et d'autres. Et est-ce que ce ne sont pas les communautés qui se débrouillent finalement très bien d'elles-mêmes? Il y a aussi la question des petits démons mafia. Il y a aussi la question des narcotrafiquants qui gèrent des quartiers entiers, qui payent des écoles, qui payent des infrastructures, qui protègent. Et c'est toute cette question d'acteurs dans la réalisation et dans ce qu'on entend. Au-delà du modèle typomorphologique, qui est. Et la deuxième question? Alors sur l'état des états. Alors je vais quand même avouer que Mexico, c'est pas une ville que je connais vraiment. J'attends mes terrains pour discuter avec des gens de la UNAM, l'Université Autonome du Mexique. Dans le cadre de Guadalajara, C'est une ville qui a été fondée sur les villages indiens, qui ont gardé jusqu'à très très tard leur, leur identité. Les villages qui avaient collaboré, mais avec les colons, ceux qui sont tous, désolé du mot, mais ceux qui ont toujours sont en opposition. Et ça a scindé la ville en deux, sur des quartiers très très pauvres, donc ceux qui n'avaient pas voulu collaborer, et le centre ville de Belgique qui s'est fait. Il y a cette révolution, et ben, en fait, il y a très peu de quartiers qui ont été créés. Mais par contre, il y a eu un retour à redonner ces quartiers, qui étaient justement ceux qui étaient à l'est, au peuple. Et, enfin, au peuple, pas vraiment le mot dire, au peuple, à ces gens-là. Et finalement, il y a eu une mise en place d'une. Comment dire. Les gens sont propriétaires de leur terrain, énormément de ce côté-là. Et de l'autre côté de la ville, eh ben, je ne sais pas vraiment vous dire. Parce qu'il y a énormément de condominiums énormes aussi, qui aujourd'hui sont plutôt des 50 maisons, c'est énorme. Donc un condominium ou fractionamiento au Mexique, c'est qu'en gros, des gens se mettent un enclos, ils construisent dedans, voilà, ils sont, mettent un gardien à l'entrée, ils rentrent avec leur voiture, et ils sont protégés de toute la ville qui se construit autour, du danger, le bus passe devant, autre chose, le métro, il les prend, ils vont au centre-ville, ils sont protégés. Voilà. Il y en a énormément de l'autre côté. Et là, je ne peux pas y répondre. Je sais qu'il y a énormément de terrains du côté est de la rivière. Appartiennent en propriété privée. Et par contre, il y a des, aujourd'hui, ils sont en train de créer une troisième ligne à Guadalajara de train léger, donc une sorte de métro petit. Et ils font des expropriations en masse, un renouvellement humain. Et donc, ils déplacent, ils doivent les exonérer, leur donner quelque chose, mais ils déplacent, il y a un mouvement de population au sein même de la ville qui est énorme. Donc ils sont bien propriétaires pour les exproprier comme ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Parce qu'après, il y a aussi la question des campagnes, de tous ces caracoles, de toutes ces choses-là, de la révolution. Mais là, on est plutôt dans des endroits plus ruraux, les loin de la ville. Tous ces révolutionnaires, à un moment, sont quand même. Sauf à 5. Peut-être vous parliez de Saint-Christoval. Moi, je vais un peu connaître tout ça, mais pour reprendre à ce que vous venez de dire, quand même, qui est très intéressant, sur un côté de la ville à l'ouest, si j'ai bien compris, parce que je connais plutôt Guadalajara, où il y a donc des condominiums, classe moyenne, classe moyenne pauvre, propriétaires privés, vivant quand même entre tout en petit. Dans des espèces de petits collectifs, mais de propriétés privées. Quand j'étais, enfin, c'était géré comme des copropriétés françaises, hein, tout à fait. Les condominiums ? Oui. Oui, c'est. Et puis, de l'autre côté est, vous dites que c'est en fait une partie le plus pauvre, ou quand même vous avez l'air de dire que les gens sont propriétaires individuels, déjà. C'est ça mais, En fait, alors je ne vous ai pas dit de bêtises, parce que. Encore une fois, je ne voudrais pas annoncer son truc, je pense que dans le condominium, ils achètent non pas une maison, mais ils achètent une part du condominium. Ben comme nous, nos copropriétés. Voilà, ils achètent une part de la copropriété avec ce qui est commun, etc. Alors que voilà, dans l'autre partie, c'est réellement, si on prend un quadrat carré, c'est vraiment la parcelle, la maison. Ils ont tout pas le reste. Et alors, c'est la distinction qu'on fait. Vous dites aussi qu'il y a donc une politique d'expropriation et de relogement éventuel. Pas de relogement. Sans relogement. C'est une partie de la population, quelque part, au centre, je ne sais pas où, pour faire passer un tramway. Un train léger, c'est un train léger. Dans ce cadre-là, au fond, il y a effectivement une éventuelle demande sociale composite d'espace de relogement. En fait, c'est là que c'est injuste que ce train léger, tu prends une diagonale de la ville comme ça. C'est une diagonale de la ville. Donc là, il y avait la rivière qui faisait ça, avant, qui m'en a vu, d'un côté, comme tel, de là. Ici, c'est donc le centre ville historique, le quartier périphérique de plus en plus riche, plus on va dans les périphériques, plus c'est riche de ce côté-là. Et tout le côté sud, comme ça, jusqu'à là, plus on s'exporte. Vous avez parlé d'un quartier qui s'appelait Adamlan-Tetlan, qui a 202 habitants à l'hectare. C'est un de ces quartiers-là, voilà. Et le train léger fait ça. Donc du coup, il va toucher autant les populations, certains revenus qui peuvent gérer ça et qui peuvent se reloger, que les populations qui finalement... Vont être relogées par qui? Parce qu'au fond, c'est avec cette population-là qu'il peut y avoir votre expérimentation. Après, je ne voudrais pas non plus m'avancer dans les faits. Enfin, cette thèse, elle est commencée en novembre, j'ai besoin d'un terrain, j'ai besoin d'aller rencontrer l'université là-bas, Ah là, j'ai pas la prétention de dire là que je sais, j'ai la réponse à ça en fait. Mais ça me donne des pistes de. Ouais. Sur quoi fouiller, de mettre le pied, de mettre le loin. Et autre chose, le retour à la Terre, en fait, il y a mondialement à l'heure actuelle une espèce de courant pour remettre de la végétation, voire de l'agriculture dans les villes, l'agriculture urbaine, comme on appelle ça. Donc, sans doute que vous n'êtes pas allé suffisamment encore pour savoir, mais il y a des chances que ça se manifeste aussi à Guadalajara comme partout, c'est-à-dire des gens qui trouvent des interstices urbains pour coller. Guadalajara, j'y habitais un an. Ah, d'accord. De l'agriculture et du jardinage. Et donc, pas tant. Hein. Pas tant. On est vraiment plutôt dans une démarche de mettre une dalle béton et mettre une tondeuse à cosse. Je trouve que c'est très libéral dans le sens où on s'autorise le droit de faire quelque chose pour gagner de l'argent. Parce qu'il faut un ressource, un revenu. Et dans ce cas-là, des friches qui sont délaissées. Et c'est moi, c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué, mais beaucoup de monde. Tous les soirs, il faut savoir que tous les soirs, à partir de juillet, période qui sont entre ils ont les quatre saisons, mais aussi la mousson, mais pas la mousson. Tous les soirs viennent des pluies qui viennent balayer les rues, qui nettoient tout, qui tombent. Il n'y a pas de porosité, l'eau reste et dévale. Et donc à des moments, c'est des bailleurs entières qui partent, c'est des trous, c'est des gens, c'est des morts journaliers à cause de ça. Il n'y a vraiment aucune porosité dans le sol. Il doit y avoir un sacré gros lobby du béton, je ne sais pas. Non, parce que mais des rues. Là aussi, enfin, moi, la dernière fois que j'y étais, c'était, je ne sais plus, 94 ou 16, par là, mais le tournant de prendre en compte. Justement, le nombre de mètres carrés de jardin, ce que je faisais. Et les gens s'étaient aperçus, c'est moi j'étais chez d'ailleurs des gens responsables de la recherche urbaine, que c'était d'ailleurs les femmes qui disaient. En réalité, il y avait un énorme jardin municipal qui servait à préparer les plantations, à mettre sur des tout petits bouts de terrain, de rien du tout, et que, en fait, demandait à ouvrir, par exemple, ce truc-là. Et il y avait donc un changement. Partout à Paris, avec 90 jardins partagés, à Grenoble, je ne sais pas combien il y en a. Enfin, c'est un mouvement mondial qu'on a connu, par exemple, dans le cadre de l'ONU Habitat. Il y a un réseau qui s'appelle Food for Cities, bon, qui s'est mis en place dans une des rencontres mondiales de l'ONU Habitat, etc. Et avec tous les pays qui veulent montrer donc, ça peut être une alliance aussi entre ce genre de gens. Et alors, oui, parce que ça bouge aussi, on a déjà vu ça ce matin avec l'eau, ça bouge un peu les rapports aussi avec les femmes dans la ville, parce qu'apparemment, les femmes s'investissent plus dans ce micro-jardinage. Et donc, elles sont plus attentives à trouver ce genre de ressources. Après, je voulais faire une petite précision. La première, c'est que. On est quand même dans un pays où de janvier à mai, il y a tout qui brûle. Il y a quoi ? Il fait tellement chaud qu'il faut être sacré gaillard, quand il faut avoir une pente sacrément gaillard pour tenir. Quoi. Même les humains, on longe les murs. Il fait très très chaud, donc l'agriculture, c'est une question à poser vraiment. Mais comment la mettre en œuvre ? Je pense que je vous ai mis un moment une photo d'un arbre ponctuel, c'est réellement très marquant. C'est-à-dire qu'il y a le béton partout, il y en a qui sort. Voilà. Par contre, sur les terrasses, les terrasses à sauter, donc en haut, pas les terrasses, on voit des petits bacs, de petites fleurs, on voit des choses comme ça qui se créent. Donc peut-être que c'est pas une agriculture qui est sur le sol, tu sais. Et je voulais revenir sur, donc du coup, ça me revenait sur un autre point. Unwin, quand il fait son étude du village pittoresque anglais, il va étudier, il va en sortir des caractéristiques. Le front garden, le back garden, ça va donner la cité jardin, donc on la connaît typologiquement actuellement. Peut-être que, et encore une fois, il n'y a pas de réponse, c'est une réflexion d'or. Peut-être que la Garden City mexicaine, c'est la Garden Terrace. Enfin, c'est la Terrace Théâtre City, ou c'est le Patio City. Peut-être que quel est l'outil social de vie qui permet de réintégrer tout ça. Et c'est là que je trouve que c'est très important de sortir de ce modèle, peut-être qu'il a été copié. On ne veut pas faire un mimétisme horticole, justement, mais comprendre comment ça s'est fabriqué. Et c'est peut-être là qu'il y a un. Mais ça comprend de de se rendre compte de quelles sont les différentes forces sociales. Vous parlez de Josette Baptiste Ornicchian, qui donne la liste de tous les types sociaux qui sont dans la sauce. Effectivement, c'est aussi à regarder là. Et n'oubliez pas les femmes. Oui, Anthony. Ouais, merci pour ton exposé. Moi, je voulais revenir un peu sur la première question d'Anne, parce que c'est vrai que tu as décrit ça comme un processus bottom-up, et j'avoue que je ne suis pas entièrement convaincu. Je pense qu'on pourrait aussi le voir comme un processus top-down, mais en tout cas, je voudrais y revenir par la précision que tu as fait dès le début, que tu te situais dans un contexte colonial, et tu es revenu à plusieurs reprises sur cette question-là, et je me demandais dans quelle mesure tu intégrais, puisque tu nous as parlé de Jacques Soustelle à la fin, etc., mais et aussi ton ensemble d'entrées anthropologiques, notamment sur ce qui s'est passé entre-temps. Quoi. Et je me demandais dans quelle mesure tu prends en compte notamment les théories postcoloniales, voire décoloniale, et comment ça pouvait matcher avec la question d'un modèle qui n'est pas forcément local. Je ne sais pas si tu vois un peu où je veux en venir. Non. Bon, tu dis que on va pas adapter le modèle tel que la Garden City, mais c'est quand même, il est présent dans ton titre de thèse, c'est bien le modèle de la Garden City quand même qui est là, et c'est un modèle qui vient d'un certain endroit, Anne l'a rappelé tout à l'heure, qui s'implanterait dans un autre endroit, dans un autre contexte, donc c'est la prise en compte du contexte local qui en plus a été marqué par le colonialisme, quoi. Je préciser quelque chose. Qu'est-ce qu'on comprend par modèle? C'est une question très large. Qu'est-ce qu'on prend du modèle? Qu'est-ce qu'on comprend par modèle? Et j'ai aussi abordé l'idée que c'était peut-être le processus de fabrication de ce modèle. Donc la façon dont il va naître, être repris, diffusé, transformé. Et à quel moment, surtout, à force de le transformer, on l'a plus du tout. Donc, dans ce modèle, il vient de l'Angleterre, mais d'Howard. Mais les questions qu'il a posées, enfin, il a essayé de construire quelque chose pour répondre à des questions qui finalement sont les mêmes, qui sont similaires aujourd'hui dans un autre endroit. Donc c'est peut-être pas le modèle tel quel, c'est peut-être la façon dont il a créé ce processus et regarder comment il a fait d'un côté pour voir de l'autre côté. Ça c'était pour la petite précision. Mais du coup c'est hors contexte, quoi. Si les questions qui ont été posées par Howard sont applicables à Guadalajara aujourd'hui, c'est que le contexte local n'influe pas. Je ne comprends pas. Que le contexte local n'influe pas. Oui. Peut-être juste pour poursuivre un tout petit peu dans le sens de ce que dit Anthony, c'est la même question, la même chose, je le reformulerai un petit peu différemment. Tu nous dis il y a le modèle, donc plutôt d'ordre typomorphologique, on peut dire peut-être en termes de structuration de l'espace construit, on ne sait pas. Il y a le modèle, mais ce n'est pas ça qui est intéressant, c'est le processus sous-jacent qui donne naissance au modèle, qui permet la mise en œuvre du modèle. Et donc, si on revient à un troisième niveau à avoir de réflexion, qui serait les conditions même de possibilité, de félicité, de mise en œuvre des processus qui conduisent à la production du modèle. C'est-à-dire que... Oui, non, je pense que c'est une question. C'est-à-dire que c'est pas le modèle qui m'intéresse, c'est le processus sous-jacent. La question qui est posée là aussi, c'est de dire dans quelle mesure est-ce que ces processus sous-jacents sont possibles dans la mesure où on transfère quelque chose ailleurs, dans un autre contexte. Et donc, du coup, se pose la question des conditions même de possibilité de la mise en œuvre des processus. Dans quelle mesure est-ce que ces processus-là sont inscrits ou pas dans des économies, dans des climats, tu as dit, par exemple, dans des formes de vie sociales particulières, avec des dimensions normatives et culturelles, etc. Et donc c'est aussi ça, c'est à quelles conditions est-ce qu'il est possible de réfléchir au processus même de mise en œuvre. Je ne sais pas si je clarifie ou pas, mais il me semble qu'il y a trois niveaux, quoi. Il y a à la fois le niveau du modèle lui-même, le niveau des processus de mise en œuvre du modèle, mais je pense qu'il y a un troisième niveau qui est celui des conditions de possibilité qui sont inscrites dans les processus. Et les conditions de possibilité, du coup, qui renvoient aussi à des contextes locaux, mais aussi d'économie générale, globale, parce que là, quand même, il y a une tonalité un peu libérale donc, derrière cette pensée-là. Je voudrais dire, en fait, Non, elle est libérale et aussi pour la communauté, justement. C'est cet équilibre stable entre les deux. On ne peut pas dire que c'est que libéral, mais clairement que ce n'est pas que social ni communiste. Non, mais la question c'était, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir peut-être des hypothèses sur des conditions de possibilité, justement, de la mise en œuvre de ces processus. Et alors, question juste pour répondre, encore une fois, c'est le début d'un travail, donc j'ai autant de questions. Est-ce que c'est pas en allant regarder les réalisations qui ont déjà été faites, comment ça s'est passé, et regarder justement cet écart entre le modèle d'origine et ce qui a été fait en Amérique latine, que j'ai peut-être trouvé mes réponses, et notamment cette première question qui était sur les théories décolonialistes, voir comment, s'il y en a autant qui ont été réalisées, parce qu'il y en a fait, enfin, plus on lit et plus on regarde, plus il y en a qui ont été faites. Quand même. Et le Porfirio Diaz, qui dans les années, donc, finit son règne totalitaire de président au début du XXe siècle, il a quand même transformé énormément, créé l'ère industrielle et la transformation du Mexique, selon, avec un amour de l'Europe et une inspiration de l'Europe. Et il y a beaucoup de colonias, donc des quartiers, qui ont été faites selon des principes d'urbanisation, d'urbanisation, européens. Et donc ça pose la question de la division. Ils ont pris ça, qu'est-ce qu'ils ont voulu en prendre, pourquoi ils l'ont fait. Et je trouve que c'est là qu'il y a quelque chose de super intéressant à découvrir, cet écart entre la diffusion. Enfin, moi, je vais être ce calque-là. Le modèle, sa façon de son processus, et je mettrai sa diffusion. Pourquoi ? Dans la troisième... Enfin, je... Oui, moi, je veux bien revenir sur cette question. Alors, c'est une des questions que j'avais posées la dernière fois. Je suis en train désespérément de chercher le nom de votre petit camarade qui travaille aussi sur le site des journaux. Pardon. Donc je vais revenir sur une des questions que j'avais posées la dernière fois. Comment ? Regarde, ils sont nombreux. Oui, ils sont extrêmement nombreux, c'est pour ça que je vous perds un peu. Et qui est celle, bon, moi, la dernière fois, on avait discuté sur ce thème de modèle, hein, que je ne partage pas quand on parle de la cité des jardins, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, la Garden City, ce que j'aimerais savoir, ce que j'aimerais comprendre, c'est que pour vous, justement, ce qui fait référence, et notamment pour mesurer l'écart entre ce qui fait référence et ce qui a été réalisé à un moment donné, c'est quoi ? C'est-à-dire que la Garden City, c'est un concept, la Garden City, c'est en effet, elle va à la fois, l'objectif de Howard, c'est de régler des questions politiques, économiques, sociales, mais il n'y a pas de définition spatiale. Donc il va y avoir des traductions spatiales. Une des traductions spatiales, c'est celle en effet qu'en fait Unwin et Parker dans un cas particulier. Donc là, on est en effet dans une traduction à un moment donné, et attention, parce que l'ouvrage de Unwin, justement, là encore, on va avoir non pas la circulation d'un modèle, comme vous le dites, mais de plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a la question de la Garden City telle qu'elle est mise en œuvre par Howard, par son ouvrage, avec toutes les traductions possibles qui vont être faites à l'échelle du globe au sein de pays très particuliers, et justement avec des conduites, des politiques aussi très très différentes selon les contextes. Et ensuite, il va y avoir la fortune critique de cet ouvrage de Unwin, de ses études de Unwin et de Parker, où là, on est dans la dimension typomorphologique et où la dimension économique est autre, c'est celle du construit, du bâti, comment construire économiquement des morceaux de villes, voire des villes tout entières. Donc moi, ce que je n'arrive pas à mesurer, c'est ce qui vous intéresse, parce qu'on est dans deux dimensions complètement différentes, là. Et y compris dans ce que vous nous montrez, alors les deux sont intéressantes, c'est-à-dire de mesurer en effet la fortune critique de la Garden City, c'est-à-dire ce que pose Howard d'un côté, et comment ça va être interprété au sein de différents pays, y compris en URSS. Donc là, c'est une vraie belle question. La fortune critique de William Parker, comment ça va être interprété d'une façon, là on est d'un point de vue architectural et urbain, plus spécifiquement dans des nouvelles typologies ou morphologies urbaines, ça aussi c'est une vraie belle question, mais pour moi, comment dire, la question que pose la Garden City et sa réalisation, c'est que dans les faits, elle a dans des très rares cas été réalisée à la fois dans ses dimensions politiques et économiques. Et que la plupart du temps, ce qu'on va véhiculer, ce que vous nous montrez, c'est en effet des interprétations spatiales d'une traduction qui va être donnée par William Parker, c'est-à-dire on va rester dans des questions de morphologie et de typologie. Et la dimension économique, sociale, politique, la plupart du temps, on la retrouve jamais, ou très rarement. Donc c'est là... C'est une supposition, parce qu'en fait... Non, c'est pas une supposition. Alors, je finis. Et donc, du coup, j'ai fini, après je me tais. Une des questions qui peut être posée, en effet, qui est comment, en Amérique du Sud, on va avoir une réinterprétation dans un contexte politique-économique complètement différent. Mais alors, ce que je ne sais pas, parce que ce dont vous ne nous avez pas parlé, c'est justement, est-ce qu'on a une traduction de la Garden City en tant que à la fois nouvelle économie qui se met en place, nouvelle gestion aussi communautaire ou autre, ou bien est-ce qu'on est juste dans des maisons et des jardins qu'on va avec des rues courbes et puis on reprend, hein, dans ce cas-là, c'est bien un win qu'on va transposer au milieu de la quadra espagnole. Et pour moi, ce n'est pas la même chose. Et je me tais. Cette image qui est là, donc c'est à l'image. Non, là, Il faut appuyer sur le bouton. Non, mais là-bas, sur le bouton. Bon, il y avait une image, et vous ne la voyez pas. Mais ce sont des tours. C'est bon. On est à Lima, au Pérou, ce sont des tours. Donc on a R plus 6, 7. Et la question qu'on se pose, c'est que finalement, ça n'a rien à voir avec la petite maison et avec ces concepts-là. Et là, moi, je débute ma thèse et je me dis, putain, s'ils ont fait des tours, s'ils ont pris un modèle d'origine qui est théorique et qu'ils ont mis de côté tout ce modèle typomorphologique, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'autre. C'est que s'ils ont réussi à réinterpréter ça au travers de tours, pouvoir... Réinterpréter quoi ? Le modèle, s'ils ont pu s'inspirer, pas interpréter, mais s'inspirer du modèle, c'est qu'ils ont dû y intégrer quelque chose d'autre. Sinon, pourquoi ils auraient parlé de faire une Garden City à Lima au Pérou en faisant une barre d'immeuble ? Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans ? Et c'est ça qui est intéressant. Parce que peut-être qu'on ne doit pas parler d'un modèle, mais de plein de modèles. Ce que fait Howard, c'est un projet de société qui va se spatialiser de différentes façons. Et il y a plusieurs modèles. Il y a un modèle économique, comme il dit, qui prend chez quelqu'un, il le mélange, il fait quelque chose. Il recrée de nouveau ensuite un modèle. Il y en a plein, économique, de gestion de foncier, de la gouvernance. Et il y a des gens qui, dans d'autres pays, notamment ce président, qui était architecte, qui se dit, je vais m'inspirer de ça en 66, et je vais la regarder. Et là, ça me questionne. On est dans un tracé, on est dans la quadra, il met des barres d'immeubles, et je me dis que c'est, du coup, tout le côté typomorphologique, spatialisé, il s'en moque. Donc il doit y avoir une autre façon, peut-être une gouvernance au sein même de ce quartier, peut-être une façon de, je sais pas, de récupérer les plus-values, peut-être du terrain. Voilà. Et c'est là que c'est intéressant d'aller regarder, d'aller fouiller, et de regarder cet écart, qu'est-ce qui est intéressant, et pourquoi ils l'ont fait là-bas, et les raisons de cette diffusion. Et je voulais quand même revenir sur un truc, sur deux choses. Howard ne fait pas un modèle, peut-être qu'il fait des modèles, parce qu'il propose quand même des diagrammes, qui sont d'une représentation, qui sont des modèles. Après, modèle, c'est un mot valise, on peut mettre ce qu'on veut. On peut aussi dire qu'il fait un gabarit circulaire dans lequel on peut le définir comme on veut, le mot modèle. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que personne ne s'entend sur ce mot-là quand on en parle, parce qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Ça peut être... Mais dans ce que propose Howard, il y a quand même des détails spatiaux. Quand il parle d'une rue qui fait 6 mètres de large, d'un déroulé de façade qui permettra de faire entrer le soleil, quand il dit que les chemins de fer doivent être à côté, spécialement des industries qui doivent elles-mêmes être de l'autre côté d'une route ou d'une grande avenue. Quand il parle du Crystal Palace, il y en a très peu, mais il y en a. Et c'est pour ça que peut-être qu'il ne faut pas utiliser le mot modèle, mais peut-être le mot gabarit, parce que ce qu'il propose, c'est un gabarit. Et si on prend le mot gabarit à l'origine, c'est une pièce de bateau qui permet de contrôler les autres pièces. Donc c'est-à-dire que dedans, on peut faire ce qu'on veut tant qu'il y a vent dans l'autre pièce. Tant qu'il y a vent dans ce gabarit, dans cet extérieur. Peut-être que Ward, il borne une idée, il borne un concept. D'ailleurs, encore une fois, je n'affirme rien du tout. Et que dedans, après, on peut essayer de... On a notre interprétation de cette chose-là. Qu'est-ce qu'on en prend? C'est la question. Et c'est là que ça m'intéresse énormément, c'est qu'est-ce qu'ils ont été prendre, ces gens-là? Pourquoi ils ont voulu faire ça? Et quelle volonté ils ont eu en le faisant? Et ça questionne, quand même. Enfin, je sais pas, moi, ça me questionne énormément. J'avais une question de Yvan. Non, mais c'était juste un commentaire. C'est vrai qu'on arrive à parler beaucoup des acteurs de cette transposition, mais c'est vrai que ce qui a l'air d'intéresser, mais du coup, là, tu as commencé à en parler, donc c'est intéressant de savoir qui c'était qui a aussi développé ces Garden City en Amérique latine. Parce que, pour ce que moi je connais plus, au Brésil, à Sao Paulo, en tout cas, c'est la structure qui a développé la Garden City, c'est une compagnie à cycle, qui est un opérateur urbain classique, et qui a fait un très grand lotissement, et qui encore aujourd'hui est peut-être un des plus grands opérateurs d'aménagement urbain de la ville de Sao Paulo, qui a fait bien d'autres quartiers aussi. Et finalement, après le mode de commercialisation est classique, quoi, un logement urbain capitaliste, où il vendait à plus de terrain, et qui est d'ailleurs pour ses qualités urbaines devenu un quartier très très valorisé et très cher, et de l'élite brésilienne. Donc c'est ouais, la question des acteurs, en plus c'est un tas de processus, c'est vraiment ça qui est intéressant, si ça varie de pays en pays aussi, parce qu'on peut peut-être imaginer que c'est aussi très souvent des opérateurs d'aménagement urbain classiques en fait, qui ont repris aussi une image, qui sont inscrits en fait dans une stratégie de communication. C'est-à-dire ce modèle-là, comme aujourd'hui, voilà, pourrait être appliqué pour une tour produite au Brésil, tour durable, tour avec le label libre ou brune, mais voilà. C'est plus une image que vraiment dans les faits, une nouveauté dans le monde. Je pense que c'est une réelle question. Encore une fois, je l'ai fouillé, et je n'ai pas encore la réponse. Quelque chose qui est intéressant, c'est que Howard cherche un investisseur, donc quelqu'un qui met l'argent. Et au moment où il met l'argent, il lui dit tu récupéreras ton pourcentage d'intérêt, plus ton capital, plus tes intérêts, donc tu seras content, tu auras fait. Comme nous, quand on achète un appartement ou quelque chose comme ça, la banque est contente, celui qui nous a prêté l'argent. Il lui dit, par contre, tu n'auras aucun le droit, la personne qui a investi dit qu'elle ne refuse ses droits de propriété sur ce terrain. La chose qu'elle va gagner, en fait, c'est en investissant là-dedans, elle va gagner son intérêt. Donc 4-5%, j'ai mis 1 million, j'ai gagné 4-5% sur 1 million. Voilà. Par contre, les terrains appartiennent au conseil central. Donc ils n'ont plus le droit dessus. Ils n'ont plus aucun droit de dire voilà j'aimerais faire ça, ça, ça comme opération urbaine et de spéculer sur le prix du foncier plus tard parce que c'est le conseil central et la municipalité qui va pouvoir gérer ça. Donc ça je pense que c'est un des premiers points intéressants, c'est dans le sens où c'est quand même géré par une communauté, ce système de construction. Et le deuxième point c'est qu'il y a une création d'entreprises pro-municipales, c'est-à-dire que la municipalité vient donner des parts de marché pour la construction des logements. Donc ça veut dire que c'est quelque chose en dehors. Comment la municipalité gagne son argent? Par les taxes locatives. Juste pour rappeler cette chose aussi. Les gens habitent dedans, versent une taxe. Cette taxe va à la municipalité, etc. C'est comme ça qu'elle fait sa richesse. Enfin, c'est pas sa richesse, mais son argent. Ils disent, au début, il n'y aura pas assez de monde, on n'aura pas assez d'argent, on ne peut pas en lancer des promotions de logements. Et donc, on va créer des entreprises pro-municipales. C'est-à-dire qu'on va quand même contrôler. Mais celui qui va entreprendre et lancer la construction, il peut qu'il y aille. Et donc du coup, il réfléchit ça encore entre cette liberté d'entreprendre et la façon de mettre des verrous à cette chose-là. De ne pas laisser justement libre cours à un promoteur qui veut construire, vendre et faire de l'argent sur la plus-value foncière, mais également sur la plus-value de la construction derrière. Je pense que ça, c'est deux leviers de réflexion qu'il faut garder un peu de chaque côté pour questionner exactement ce que tu viens de dire. Je sais, enfin, une remarque, une question pour compléter un petit peu. Comme on est sur des sujets assez proches, en tout cas, on a des questionnements un petit peu mutuels, voire mutualisables parfois. Le modèle de Ward, il est pour moi, la typomorphose de Ward a été à la limite plus conceptualisée par Newman et Parker quand ils ont fait à cette époque-là, à cet endroit-là précis. Mais à la base, ce qu'on entend par modèle est plus un modèle à la fois économique et puis un modèle social qui est basé sur des idées. Donc, quand Benoît parle de diffusion, c'est aussi plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la diffusion des idées plus que du modèle concret typomorphologique. Et c'est là où ça se confronte à la question culturelle, qui est à la fois temporelle et à la fois d'un lieu, mais aussi sur la diffusion des idées. Les propres modèles de Ward étaient des modèles politiques, libéraux, anarchistes pour certains, et qui étaient une idée concrète de comment se matérialise la société dans un lieu. Et du coup, c'est là où, pour nous, ça devient intéressant, c'est quand ça se confronte à une culture, notamment dans le processus de création et dans le processus de projet. Et là où je pense qu'il y a un truc que tu n'as pas évoqué dans la présentation, mais qui devenait intéressante sur la question du mimétisme, c'est de dire comment, quand on arrive à avérer la filiation historique entre Howard et le milieu britannique de cette époque-là et les villes qui sont effectuées en mouvement, enfin les quartiers qui sont effectivement faits en Amérique latine, comment, à partir du moment où la filiation est avérée, confronte l'idéologie de base et l'idéologie du lieu et l'idéologie de la culture aussi. Et par exemple, le mimétisme, il y avait tout la question de l'habitat informel en Amérique latine et comment on confronte les idées et ces quartiers-là à une autre culture d'habiter ou une autre culture et un autre processus de conception d'habitat et d'habitat. C'est un peu une question. T'as un an de plus, non? On a peut-être le temps pour une dernière question. Plein de petites questions, mais je vais essayer de commencer ça. Déjà, je voulais une précision. Quand tu parlais de Lima, enfin des autres villes en Amérique latine qui avaient exploré, transposé, enfin peu importe, mais ce modèle de cité jardin, dans ta recherche actuelle de ton corpus de travail, est-ce qu'il y avait des salles? On dit cité jardin, ça vient de toi, c'est un cofondateur, ça vient de l'architecte, ça vient de la ville qui dit ben là on a fait une cité jardin et on a exploré ce modèle. Donc ça c'est ma première question. Pour savoir en fait si c'est vraiment un vrai travail de réflexion sur ce qui a pu se faire par exemple au Royaume-Uni ou si c'est une appropriation du concept mais plutôt comme ce que disaient les gens un peu vendeurs. Mais du coup est-ce que la tour finalement c'est vraiment une transposition du modèle ou pas? Donc ça c'était la première question que j'avais. Ensuite, par rapport à la première question que Catherine t'a posée sur questionnement sur la problématique de recherche et comment justement la diffusion du modèle à une certaine période, comment l'application s'était mise en place au Mexique, ou pas peut-être, ça peut être aussi une réponse à un hypothèse de travail aussi. Je trouvais ça assez intéressant justement de voir comment ça a pu être diffusé en Amérique latine, donc ça c'était plutôt Et ensuite, quand j'ai vu ton intervention, et peut-être que ça peut t'aider aussi quand tu vas passer sur la phase de terrain, moi j'aurais eu envie de partir plutôt à la masse, partir de la grille, de faire du terrain du Mexico, je sais pas bien le nom de la ville sur laquelle tu travailles, voir éventuellement s'il y a des évolutions morphologiques, typologiques, mode de vie au sein de la communauté. Voir s'il y a des tendances justement à partir même, tout au long du 27, justement voir s'il y a eu des influences de modèles, ou si tu veux regarder Howard, de ce modèle-là par rapport à leur travail propre sur le terrain. Avoir un processus inversé. Ouais. En tout cas, de ta présentation, ça m'a soulevé cette question-là. qui peut aider là-dessus, quoi. Mais en tout cas, ça m'a interrogée de partir de l'inverse du, enfin, du contexte de travail et des influences. Je comprends tout à fait. Mais je me dis que c'est. T'as une, si t'as une ou deux d'activités de jardin dans une ville, un petit urbain comme Mexico, par exemple, qui est énorme. Du coup, ça, t'es obligé de cibler un moment dans cet endroit-là. Je pense pas que la cité jardin en général a eu une influence sur les populations qui sont arrivées des campagnes. Peut-être, en fait, je veux pas affirmer non plus, hein, je veux pas l'affirmer non plus. Non, mais c'est peut-être pas la cité jardin. Je trouve que ça fait un peu. Quand tu cibles l'endroit, enfin, c'est une question. Non, mais peut-être que justement, dans les travaux des architectes mexicains, chercheurs mexicains, il y a déjà eu des analyses justement d'expérimentation de, je sais pas, enfin, j'étais, enfin, au Nouvelle Mexique, j'étais vachement marquée de ces. De cette entrée, de ce petit patio, de cette structuration de la maison dans le tissu urbain entre la rue. Et peut-être que, je me disais, ça trouve, il y a des expérimentations qui sont visibles aujourd'hui et qui peuvent être des expérimentations remarquables, qui peuvent être diffusées pour leur qualité architecturale, pour leur système communautaire. Et du coup, en fait, ça amène une inversion. Et du coup, je ne sais pas si un architecte a exploré ce genre. Moi, l'urbaniste, c'est justement quelle culture il s'est construit, et notamment de cette influence peut-être, c'était jamais peu importe. Mais... Pour préciser, c'est certain qu'il y a eu une influence à un moment, et d'architectes, de planificateurs. Porfirio Diaz, il envoie une armée d'architectes et d'urbanistes en Europe pour regarder qu'est-ce qui se fait, comment ça se fait, etc. À la période de l'industrialisation du Mexique, quand ils reviennent, et bien sûr, ils ont vu plein de choses. Et donc je pense que c'est sûr. Bon, le quartier Balbuena à Mexico a été fondé par deux architectes qui sont partis visiter la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Et donc ils ont, à la fin, ils produisent une cité-jardin qui est, qui est de telle sorte. Et ça revient sur la première question. J'ai pas de réponse parce qu'en fait, il va falloir que j'y aille, il va falloir que je regarde. Non, mais... Pour l'instant, au début, je me suis attelé à juste essayer de comprendre ce modèle parce que juste que c'est pas typomorphologique, il y avait réellement beaucoup d'idées sociales, de gestion du foncier. Mais oui, mais j'ai pas de réponse parce qu'il faut que j'y aille. C'est pour ça que du coup, quand tu as présenté, ça m'a donné aussi envie de retourner la question, ouais. De partir de ce qui est fait sur place et de réfléchir aux différentes affiliations, vu qu'il y aura peut-être Howard, mais il y aura peut-être d'autres, de toutes les pensées qu'il y a pu avoir à cette époque-là. Moi, ça, je le remonte dans la question de la diffusion. Quelle a été cette diffusion? Comment l'idée est partie d'un point et a fait. Et déjà, le modèle Howard, c'est aussi une diffusion d'idées. Comme il dit, il vient récolter, il vient construire un truc à partir d'une diffusion d'idées. Et donc à partir de là, comment les idées vont repartir jusqu'à l'Amérique latine et comment on va arriver à un moment à avoir quelque chose qui se dit cité-jardin. À Mexico City, il y a un arrêt de métro qui s'appelle Ciudad Jardín. Et à côté, c'est bizarre parce que la planification ressemble à toutes les autres. Alors pourquoi ils ont mis un arrêt comme ça? J'ai une autre thèse. Et oui, peut-être que c'est juste ça, parce qu'ils ont fait un joli parcours de fleurs. Ça sera à les regarder, ça sera à les écouter. Et en Angleterre, il faudra aller regarder à New York la fondation Joseph Rometry. Parce que c'est la fondation du tout modèle d'urbanisation anglais, mais complètement liée à l'industrie du chocolat à York, Joseph Rometry, comme son nom l'a dit. Et notamment, il me semble, moi j'y ai visité. Et que, alors il y a une idée sociale assez particulière qui est que c'est l'élite ouvrière qui est logée dans la Garden City, qui bénéficie par rapport à d'autres types de bâtiments pour les ouvriers. Mais les Rometry, à l'époque de, justement, quand Ward cherche, il a créé cette association, il a fait gagner plein de gens, les Rometry, ils sont pas loin. Je voudrais pas dire de bêtises, là, je vais. New York Week, c'est les Rometry ou c'est les Cabrerie? C'est louche comme réponse. Je sais plus, mais c'est pas des cités jardins, c'est des villages industriels. Oui. Voilà. Régés effectivement par des industriels sur leurs propres capitaux. Voilà. Dans certains de ces villages industriels, on a effectivement des expérimentations de nouilles et parkour eux-mêmes, mais ça reste effectivement des investissements privés, à contrario de la Garden City au sens originel du terme, où là, pour le coup, on a des flux d'investissement privés, mais on vit dans un paquet porté par une municipalité. Non, mais moi, je viens d'investir parce que je trouve qu'on t'a beaucoup interrogé, et on t'a posé des vraies questions, et il faut que tu les prennes en compte, faire évoluer ta thèse. Notamment autour de cette question de modèle. On a longuement discuté, moi je n'étais pas tellement d'accord pour prendre mon modèle, mais c'est bien, toi tu l'as tout. Par exemple, il faut que tu prennes position, c'est-à-dire que tu fasses une hypothèse personnelle là-dessus. Est-ce que quand tu parles du modèle de Cité Germain, et on verra si c'est bon, je suis sûr que ce n'est pas un gabarit. Enfin, j'en suis sûr. Parce que dès le moment où tu mets du social, ça ne peut pas être un gabarit. Dès le moment où tu mets du processus, ça ne peut pas être un gabarit. Enfin, en tout cas, il faut que tu nous dises si, par exemple, dans ce modèle, tu mets la propriété collective, si tu mets la gestion collective du foncier, si tu mets le fait que c'est fait pas par la municipalité, mais par une fondation, si tu mets aussi la typomorphologie, donc tu annexes tout de suite au bouquin de Warren, il faut que tu prennes une position là-dessus, que tu dises mon hypothèse, c'est ça. Parce qu'après, on voit qu'au moment de la diffusion, quand ça arrive en France, tu veux t'approprier ça, c'est intéressant. On a pas mal d'éléments typomorphologiques, on a plus la gestion communautaire. Quand ça arrive en Allemagne, on a la gestion municipale à la base de la gestion communautaire, et on a plutôt du collectif. Et puis peut-être que les expériences que tu montres en Amérique latine, pour finir, ça se rapproche plus de l'autisme patronal que de la Cité Germain. Il faut vraiment que tu prennes position par rapport à ça, que tu vois après quel est le bon mot à employer. Je pense que ça permettra d'éviter, avec les gens avec qui tu vas discuter, quand tu vas discuter avec la surprise de thé avec le jury, ça permettra d'éviter toute une série de choses qui sont pas claires. Quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que toi tu penses à quelque chose, les gens ne sont pas de toi penser à autre chose, parce que les choses sont pas assez bien définies. Tu ne peux pas m'attendre de dire que voir c'est son bouquin. C'est-à-dire c'est une philosophie sociale, c'est un comité de réponse sociale plus que schéma qui fixe un certain orientation spatiale. Voilà, si c'est ça, effectivement, ben, dès le moment où on va en France, c'est plus la Cité Germain. Dès le moment où on va en Allemagne, c'est plus la Cité Germain. Et si tu dis que c'est un espèce de mix de choses, de mix de typomorphologie, de mix de social, de mix de politique, et que tu essayes de décrire, on voit bien que ça se décline selon les contextes d'une certaine manière, ça veut dire qu'on abandonne le politique, on garde le social vers le typomorphologique, on abandonne le typomorphologique. Et je pense que ce serait plus ouvert. Mais il faut que tu sois clair sur toi, de voir ce que tu dis, vraiment ce qu'elle veut. Oui. Mais c'est normal. Oui, voilà. Il y a un moment donné, il faudra qu'on me dise, voilà, pour moi, la Cité Germain, telle que je l'imagine, à l'origine, c'est ça. Tu dresses une liste de choses, on a besoin de ça, il y a ça, il y a ça. Alors dans ce cas-là, c'est un postulat. C'est dire, pour moi, je parle de postulat. Non, c'est pas une question. Il faut que tu prennes position, il faut que tu prennes une hypothèse, si. De dire, ça c'est le début de ta thèse. Donc, oui, il y a une dimension positive. Moi, je crois que c'est ça. C'est ça. Parce que si je dis par exemple c'est une référence, il y aura plein de gens qui vont pouvoir me dire « Ah non, je ne pense pas que ça soit une référence, il me donne des arguments. » Et la question c'est quoi ? C'est-à-dire qu'avant chaque début de présentation, il faut passer un petit temps à expliquer, à définir pourquoi il y a ce... C'est le mot de modèle, de référence, de gabarit, peu importe de quel. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, il faudra défendre cette chose-là. Et est-ce que c'est vraiment l'important ? Ça c'est une question. Il faut préciser ce qu'on entend par « garden city ». C'est le définir, c'est tout.